Elle est allée à la pharmacie acheter du sirop. B. Cet enfant aime beaucoup ses cadeaux. C. Pardon, monsieur, savez-vous où se trouve la Grand-Rue ? D. Le train part dans quelques minutes. E. Que puis-je faire pour vous ? F. Est-ce que tu as vu le film Huit femmes ? G. Il a pris un coup de poing sur le nez. H. Tu devrais acheter ce sac. Il est à un bon prix. I. Généralement, les enfants aiment les bonbons. J. Je te le dis, tu exagères.